Sous les toits brûlés, la nuit s'incline. Chaque pas résonne comme une ruine. J'suis ride et skill, l'ombre errante. Chaque mot pèse, chaque note tremblante. Les murs transpercent d'histoires muettes. Chaque silence devient tempête. Sous la brume s'ouvrent mes pas. Chaque souffle me parle déjà. Je prends vos ombres, vos couleurs. Je les tisse en nouvelle lueur. Chaque vue est gardeur de ma voix. Chaque vibre chant vous attire à moi. Je suis la plaie qui ne s'efface pas. Le rythme gravé au fond de toi. Je suis la fièvre qui vous enchaîne. L'éclat qui brûle dans vos veines. Chaque sourire cache une nuit. Chaque lumière s'éteint sans bruit. Je marche encore dans vos regards. Chaque cri résonne comme un phare. Je prends vos peines, vos douleurs. Je les transforme en mes ardeurs. La pluie s'abat, le ciel se fend. Chaque pas s'ancre dans le temps. I am the shadow in your dawn. The rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby. The fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame. Written in scars in truth. I am right, a skill eternal. And I rise because of you. Sous la tempête, je trace ma loi. Chaque horizon s'incline à moi. Chaque vieux ressent ma vibration. Chaque souffle devient passion. Je suis la voix, je suis la voix. Le feu s'inscrit au fond de toi. Les blocs se brisent, la nuit succombe. Chaque lueur se perd et tombe. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos instants. Sous la brume je marche encore. Chaque silence devient un accord. I am the shadow. Because of you. Sous les étoiles, je marche encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis Rider Skill, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix. Je suis l'ombre qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel brûlera. Skin.